523, observation, necessity, il faut, plus infinitive. Il faut donner un prénom aux jeunes gens. Il faut écouter. Il faut voir. Il faut savoir le français. Il faut avoir le temps. Il faut être poli. Il faut comprendre. Il faut choisir. Note that in all these examples, il faut is followed by the infinitive. Il faut does not change. In il faut, il is an impersonal, indefinite pronoun. It represents no specific person or thing. Il faut and an infinitive expresses an idea of necessity or obligation.